À la dernière seconde, de la dernière minute, de la dernière heure, là, je serai seul pour affronter ce passage. En un éclair, tous mes souvenirs s'additionneront. En cet instant si bref, ils défileront, montrant comme cette vie précieuse, si unique, si inespérée, est humble devant l'éternité. À mi-chemin de tous les infinis, cet équilibre miraculeux et précaire m'a offert le cadeau de la lucidité. Arraché à ce monde, chutant dans un puits sans fond, éteignant ma conscience, je me noie dans les ténèbres. Mon ultime pensée s'arrête, et le temps s'étire alors infiniment. Tout système matériel dans l'univers évolue. Un système statique n'évolue pas. Ainsi, par définition, il serait mort. On atteint un paradoxe. Un système immortel serait un système mort. Cela montre que l'immortalité matérielle est impossible. Craindre la mort peut avoir plusieurs origines. Craindre l'inconnu de l'après-vie. Ce premier point est facile à évacuer. La mort étant la non-vie, j'ai déjà connu la mort avant ma naissance. Et donc, j'en suis familier et elle ne me fait pas peur. Seul le passage peut être mystérieux, bien que des expériences de mort imminente nous donnent des pistes. Être dans le regret de ne pas avoir suffisamment vécu. C'est une question qu'il faudrait se poser chaque jour. Suis-je satisfait de ce que je vis? Suis-je en accord, en cohérence avec moi-même? Si ce n'est pas le cas, suis-je capable de modifier mon parcours? En cela, cette crainte est bénéfique, car agissant comme un aiguillon pour me corriger afin de ne rien regretter de mes choix. Regretter la disparition de ceux que l'on aime. Ce troisième point est plus difficile à gérer, car étant indépendant de moi-même. Dans ce cas, je dois être capable d'accomplir mon deuil, accepter cette impermanence, me persuader que, comme pour nous-mêmes, l'autre a pu profiter de sa vie, qu'en étant un maillon de la grande chaîne de l'évolution, il a contribué à son niveau, à la course du monde. Si je peux considérer qu'au final, je peux définir mon moi comme étant pure information, exister, c'est vivre dans une mémoire, la sienne tout d'abord, puis celle de ses proches, lorsque notre support corporel disparaît. L'exemple de Jésus-Christ montre qu'il a ressuscité en croissant dans une mémoire collective qui a fait exister son esprit jusqu'à maintenant. Car la vraie mort, c'est l'oubli.